authentique DJ Made It. Kingdom Music. L'Overest, le maître Nagual, l'alchimiste évolué, l'enfant capricié de celui qui est amour. Elle venait de sortir dans une relation puante. Tous les mecs qu'elle croisait faisaient la fuyante. Moi je rêve d'être à ses côtés mais j'ai du mal. Elle refuse mes paroles sacerdotales. Mais comment pourrais-je lui dire de ne plus me fuir? Je suis prêt à lui offrir un amour si. Ma chérie, regarde-moi, ne sois plus dans des arrois. T'auras plus de regrets cette fois, yeah. Je t'amène des légos, yeah. Je t'en prie, regarde-moi, ne sois plus dans des arrois. T'auras plus de regrets cette fois, yeah. T'avais juste un problème de choix. Elle n'a plus envie d'avoir une relation naissante. Pour elle, l'amour en vrai, c'est une étoile filante. Comment pourrais-je être à ses côtés, mon cœur s'étale. La confiance est un drame pour elle brutal. Mais comment pourrais-je lui dire de ne plus me fuir? Je suis prêt à lui offrir un amour si. Ma chérie, regarde-moi, ne sois plus dans des arrois. T'auras plus de regrets cette fois, yeah. Je t'amène des légos, yeah. Je t'en prie, regarde-moi, ne sois plus dans des arrois. T'auras plus de regrets cette fois, yeah. T'avais juste un problème de choix. Nalingi nanga na zwai, le masolo mi bali abai. Nalingi nanga na zwai, le masolo mi bali abai. Tu me refais, tu as raison. Tes anciens gars sont de virus et de poison. Aujourd'hui moi je suis venu comme un antidote. Mon seul désir est amené jusqu'à la dot. Les deux familles bavana peba sepelae. Ba mela masanga jaloux ba ololae. Ba yaya ba mastafeni ba benganae. Otika manayo. Ma chérie, regarde-moi, ne sois plus dans des arrois. T'auras plus de regrets cette fois, yeah. Je t'amène des légos, yeah. Je t'en prie, regarde-moi, ne sois plus dans des arrois. T'auras plus de regrets cette fois, yeah. T'avais juste un problème de choix. Kingdom Music.